Comment se fait la fusion forcée avec l'esprit? Ben, c'est toujours forcé dans le sens que la fusion, c'est au niveau souvent, en tout cas maintenant, expérimental. Dans le sens, quand la personne commence à se rendre compte qu'il y a de l'intelligence en elle qui lui avait dit qu'elle n'allait pas dans le bon chemin, qui lui avait dit qu'elle allait souffrir, qui lui avait dit, quand vous vivez une expérience pénible, après vous dites, je le savais. Je le savais. Vous allez, ça, c'est l'esprit. L'âme, c'est l'affaire qui fait que vous avez rationalisé ce que vous saviez au point de créer du doute, puis de ne pas aller dans la bonne direction, même si vous saviez c'était quoi la bonne direction. Donc, c'est au niveau expérimental, à force de souffrir, souvent, puis pas besoin de souffrir émotivement ou physiquement, là. À un moment donné, juste un simple inconfort va engendrer de l'intégration. Mais il faut qu'il y ait une capacité de vue de la personne, il faut qu'il y ait certaines structures qui se cassent, puis c'est souvent avec le temps.